Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Laurent Fillon. Bonjour Julien Vidal. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuses dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Cette quatrième saison, le podcast, il est encore et toujours soutenu par la NEF, qui est la coopérative bancaire éthique qui finance exclusivement des projets à impact depuis plus de 30 ans. C'est vraiment la banque des 2030 Glorieuses. Et en ce moment, la NEF, elle a lancé le Big Bank. C'est un mouvement pour créer la première banque éthique indépendante française. Ils sont déjà plus de 47 000 à y croire. Et moi, je vous invite à rejoindre le mouvement Big Bank sur jeparticipeaubigbank.fr. Voilà, ça c'est dit. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux. En général, c'est vrai que je suis toujours très heureux de donner la parole aux personnes qui vont m'accompagner dans ce voyage en 2030 glorieuse. Mais de la donner à toi et de te faire vivre à toi, Laurent, à ce voyage, c'est quelque chose qui m'a particulièrement cher. Donc, merci d'avoir accepté. Je vais avoir du mal à me lancer dans ta présentation, Laurent, donc je le fais de manière succincte, tu le complèteras. Tu es auteur, notamment chez Actes Sud, et c'est comme ça que nous on s'est rencontrés. C'est cette maison d'édition qu'on a en commun qui nous a permis de nous rencontrer à deux ou trois occasions. Mais tu es aussi biologiste, ingénieur forestier à l'Office National des Forêts, et c'est ça qui va nous occuper aujourd'hui. Ensemble, nous allons donc parler forcément des forêts, de leurs habitants, d'humilité, de contemplation, pour remettre le vivant à sa juste place dans nos vies. De nouvelles alliances et de nouvelles abondances en 2030 glorieuses, rien que ça, ça nous fait un programme chargé. Et je te donne tout de suite la parole, Laurent, avec cette première question que je pose à toutes et à tous mes invités, qui est celle de se dire, imagine que tu es dans un événement où il y a plein de gens que tu ne connais pas et arrive forcément au gré de la conversation la question fatidique. Et toi, tu fais quoi dans la vie? En général, tu te présentes comment? C'est une bonne question. En fait, je me présente comme un amoureux des forêts qui en a fait son métier. Je suis biologiste à l'Office National des Forêts. Alors, l'ONF gère en gros un quart de la forêt française, c'est-à-dire 4 700 000 hectares. Et moi, mon job consiste à tout faire pour que la biodiversité soit au cœur de la gestion forestière, qu'elle soit, un, pas le parent pauvre, et deux, qu'elle soit même vraiment au cœur des décisions et des choix de gestion qui peuvent être prises pour la gestion de tel ou tel compartiment de forêt. Et donc pour ça, eh ben, je suis amené à la fois faire du terrain, à aller visiter les différentes forêts qu'on gère un petit peu partout en France, mais aussi à coordonner et piloter des équipes de forestiers qui s'intéressent particulièrement au sujet et qui réalisent eux-mêmes des inventaires naturalistes en vue de l'amélioration de la connaissance. Donc moi, je les pilote, ces gens-là, techniquement, pour qu'ils aient la possibilité d'enrichir l'expertise qu'on peut avoir sur nos forêts. Et puis enfin, j'ai un gros travail de formation quand on accumule beaucoup de connaissances, doit nous conduire à aller vers tous les collègues forestiers qui sont acteurs de terrain et qui après peuvent s'approprier ces connaissances en vue de les redistribuer dans la gestion, tout simplement. Je t'interromps juste deux secondes là, sur ce point là très précis, et ta présentation est assez révélatrice de notre système actuel et de notre relation notamment avec nos métiers. C'est très en général mis en avant en fonction de nos compétences ou de nos objectifs, de nos missions du quotidien. Et donc, c'est vrai que là, j'imagine sur LinkedIn que tu dois être, je sais pas, chargé de mission à l'ONF ou quelque chose comme ça, où je te le disais en introduction, auteur, biologiste, un peu en fonction des compétences en général, c'est comme ça qu'on se met en avant. Là, tout de suite, tu me dis, en fait, moi, je suis amoureux de la forêt. Est-ce que si jamais on réfléchissait à d'autres intitulés de poste en fonction de nos impacts et en fonction de la relation à ces nouvelles abondances auxquelles on contribue, on pourrait renommer différemment ton métier? Est-ce que tu es, de ce que j'entends là, et j'aimerais te laisser rebondir par rapport à ça, est-ce que tu es amoureux de la forêt? Est-ce que tu es ambassadeur pour le vivant au sein des milieux forestiers ou diplomate pour le vivant? Comment tu le dirais autrement? Eh bien, alors c'est vrai que ma fiche de poste fait de moi un chargé de mission spécialiste de la biodiversité. Mais j'aime bien cette notion de diplomate. Ambassadeur, en fait, moi, j'aime pas me faire à l'idée qu'il puisse y avoir des gens qui incarnent particulièrement une fonction. Je préfère me dire que j'aide à chacun, finalement, à comprendre la manière dont les autres vivants peuvent occuper le même milieu qu'eux et la manière dont ils doivent y être attentifs. Après, chacun a sa sensibilité, chacun a sa manière de comprendre et d'être attentif ou sensible à ce qui l'entoure. Moi, ce qui m'anime, c'est vraiment d'essayer d'inviter chacun à être beaucoup plus attentif aux vivants qu'il a autour de lui et d'interpréter, alors, en faisant attention à l'anthropomorphisme quelque part, mais en tout cas d'interpréter avec un regard ajusté la manière dont les autres vivants occupent le même paysage que lui. Et c'est en ça que tu évoquais le métier de diplomate. Moi, je me vois plutôt comme un diplomate. Voilà, c'est-à-dire que j'aime bien mettre un peu tout le monde autour de la table. Et d'ailleurs, dans mon métier, assez régulièrement, quand on me demande une expertise dans un endroit, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment les différents usagers de la forêt vivent leur forêt. Alors déjà chez les humains, mais je prends chaque compartiment, c'est-à-dire à la fois le forestier, mais aussi les autres usagers, les gens qui se promènent dans la forêt, ceux qui travaillent le bois, ceux qui ont d'autres activités dans la forêt. Et une fois que j'ai compris comment ces gens vivaient leur territoire, leur terroir, eh bien, je m'intéresse aux autres vivants qui occupent le même espace, donc les arbres, l'écosystème forestier avec toute la faune, les chauves-souris notamment, c'est un groupe que j'apprécie tout particulièrement, et j'essaye d'être une sorte de diplomate qui va permettre à chacun de se comprendre, et notamment aux vivants humains de mieux saisir finalement la vie des autres vivants non humains qui sont dans le même espace qu'eux. Donc diplomate, ça me plaît bien. Donc finalement, j'ai l'impression aussi que dans ton métier, tu passes ton temps à te mettre dans les pompes des autres, que tu as un gros travail d'empathie, de compréhension des enjeux de toutes les parties prenantes. Là, comme tu le disais, tu as cette sensibilité, toi, qui est d'essayer de comprendre les enjeux, les intérêts, les obstacles de chaque personne qui a à un moment ou à un autre les pieds dans la forêt. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça, avec cette idée que on est dans une société aujourd'hui où on sent des oppositions terribles entre les différentes parties, que ce soit les alors pour le monde forestier, ceux qui utilisent le bois, qui coupent le bois, qui gèrent la forêt, ceux qui sont dans leur forêt, qui la voient de manière assez statique, ceux qui peuvent avoir aussi une utilisation sportive de l'écosystème forestier. Et on sent bien qu'il y a des oppositions qui sont très fortes dans le monde forestier, mais comme dans le reste de la société d'ailleurs. Et du coup, ça crée une forme de tension avec des gens qui ont du mal à se parler. Et je trouve que ce qui est important, c'est de réussir à faire un pas les uns vers les autres, et notamment vis-à-vis de ce sujet-là, comment faire pour intégrer le vivant et la biodiversité dans la gestion. Et bien, clairement, quand j'arrive sur un territoire, les collègues forestiers ou les autres usagers ont un peu tendance à me voir soit comme l'écolo qui va les empêcher de couper du bois, soit comme le citoyen qui a une certaine vision de la forêt, soit comme le forestier qui va plaider la cause des coupeurs de bois. Et moi, j'aime bien justement aller à la rencontre des différentes parties pour leur expliquer que non, moi, ça va pas être ça. Et que je vais faire l'effort d'aller vers eux. Et dans certains cas, quand j'aimerais que mon diagnostic aboutisse à la nécessité d'aller vers 10 pas dans une certaine direction, je ne demande pas forcément à mes interlocuteurs de faire ces 10 pas tout de suite. Parfois, je leur demande de faire des efforts, d'aller vers 4 ou 5 pas et de leur laisser le temps de s'approprier ce que je vais avoir diagnostiqué et ce que je vais les inviter à changer dans leur regard. Et progressivement, en fait, hein, l'invitation à changer de regard sans y aller trop brutalement les amène à un moment donné à se questionner et eux-mêmes à aller vers les fameux 10 pas que j'aurais aimé qu'ils atteignent dès le départ. En fait, ce qui est important, c'est d'être à leur écoute et de comprendre vraiment la manière qu'ils ont d'utiliser cet espace forestier et puis la manière dont ils le vivent, voilà, au plus profond de leur âme. Depuis 4 saisons, j'ai un biais dans le podcast qui m'a amené à mettre en avant à plusieurs reprises des personnes qui sont actives par rapport au milieu marin et qui se présentent souvent comme protectrices, gardiennes, régénératrices, avec vraiment l'impression qu'il y a quelque chose à défendre du côté marin. Et c'est aussi pour ça que je t'ai donné la parole, Laurent, parce que je me rendais compte que, en fait, l'autre côté de la pièce, terrestre et notamment forestier, je le mettais très peu en avant, avec l'impression qu'il y avait peut-être de mon côté moins l'importance de le défendre. Est-ce que tu peux éclairer un peu ce biais? Est-ce que c'est quelque chose qui te surprend? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vu, cette différenciation qu'on a par rapport aux différents milieux et cette impression qu'il y a vraiment urgence à protéger les océans, alors que en fait la forêt, j'ai l'impression que on la prend un peu trop pour dû et qu'on un peu trop sur le côté, presque, non? Mais c'est aussi parce qu'on la vit peut-être plus quotidiennement que l'océan, alors sauf peut-être les personnes qui sont sur une côte ou alors qui vivent même de l'océan. Je pense par exemple aux marins pêcheurs, je pense à toutes ces personnes qui ont des activités vraiment qui sont liées à l'océan, mais qui constituent une faible part de la population, hein, finalement, en tout cas en France. Après, la forêt, elle est souvent à nos portes, elle est souvent à côté de chez nous. Et puis, on a un peu cette sensation quelque part qu'elle nous appartient. C'est l'endroit où on va le week-end ou les après-midi. Il suffit qu'il fasse un petit rayon de soleil et puis on en profite. Donc, je pense qu'on vit pas la forêt de la même manière. L'histoire de l'humanité, elle est complètement dépendante de la forêt. Elle est dépendante du bois. C'est parce qu'on a eu du bois qu'on a pu faire du feu et qu'on a pu changer notre mode d'alimentation, notre mode de chauffage, donc changer aussi notre manière d'habiter le monde. Et je pense qu'on est totalement dépendant de ça. Après, je pense aussi que depuis quelques années, on est en train de se rendre compte qu'il se passe quelque chose en forêt. Et que ces paysages qui sont juste à côté de chez nous, ils sont en mutation. Il est en train d'arriver quelque chose. Alors, c'est vrai que les océans, vu qu'ils sont loin, on les vit pas de la même manière et on a un peu tendance peut-être à y porter une attention en se disant « Oh là là, attention, ça c'est loin, la forêt tropicale aussi, il faut qu'on y soit particulièrement attentif. » Les forêts qui sont à côté de chez nous, on les vit pas de la même manière. Et le fait qu'on voit depuis quelques années une recrudescence d'accidents comme ces grands incendies qu'on voit traverser dans certaines de nos forêts depuis quelques années, ça nous amène à porter une attention totalement différente sur cet habitat. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a une attention particulière qui d'un seul coup est en train de se développer autour des forêts et qui nous amène à nous interroger sur la manière dont vit cette forêt et à nous questionner aussi, alors je dis à nous questionner, pas forcément tout le temps d'ailleurs, mais en tout cas, à nous interroger sur la manière dont jusque-là on a utilisé cette forêt, dont on l'a gérée, dont on l'a occupée. Voilà. Et là aussi, il y a des questionnements sur ce sujet-là qui sont très forts. Je voyais quelque chose aussi, peut-être dans l'explication que je tentais d'apporter pour l'instant, qui était de se dire que les océans, les mers, elles ont un caractère un peu plus mystique, un peu plus mythique peut-être, que nos forêts. Alors c'est vrai qu'il y a, t'as raison, la jungle, la forêt tropicale qui a ce caractère un peu exotique, mais c'est vrai que nos forêts d'ici, elles sont plus tranquilles, elles sont, j'ai l'impression, plus fonctionnelles. Est-ce que toi qui es dans nos forêts, tu peux raconter aussi à quel point elles sont mythiques, à quel point elles ont toute la place dans nos histoires, dans nos imaginaires, parce qu'elles sont bien plus qu'un réservoir à bois? Faut dire que ces forêts... quand les hommes ont colonisé l'Europe, elles étaient quand même bien présentes. Alors, elles avaient un visage totalement différent du visage qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais quand même, on a notamment connu des périodes, des épisodes à près de 80% de la surface métropolitaine, par exemple, qui était forestière. Et ça, ça nous a conduit à être totalement dépendant d'elle, avec un imaginaire qui s'est développé, qui est assez considérable. Un imaginaire autour des animaux un peu mythiques qu'on pouvait trouver dans ces forêts, avec le sauvage qui était particulièrement prégnant, présent, et qui nous a accompagnés dans l'histoire de l'humanité depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, enfin progressivement en tout cas, avec la mutation de nos sociétés, avec l'évolution qui nous a conduit à commencer à construire des habitats en dur, et puis à vivre en nous rassemblant, parce que ça présente plein d'avantages, ça présente des avantages sécuritaires, ça présente des avantages aussi dans la manière d'organiser la société, eh bien, on s'est peut-être aussi un tout petit peu éloigné de la forêt, et on en a fait quelque chose qui nous a conduit d'ailleurs à inventer un mot, le mot de nature. Moi, tu vois, la manière dont je le perçois, ce mot, ça nous a conduit quelque part à imaginer, du coup, l'homme d'un côté et la nature en face. La forêt étant le représentant de ce système naturel avec le monde sauvage qui se trouve juste à proximité de nos portes. Mais cette mise à distance, elle a complètement amplifié, j'allais dire, un éloignement de la compréhension de la manière dont ça fonctionne une forêt, dont la manière dont elle vit la forêt, de la manière dont même certains humains ont pu garder le contact et être dépendants de cet écosystème forestier. Et j'ai l'impression que ça a totalement amplifié tous les mythes qu'on a pu imaginer autour de la forêt, à savoir que la forêt, elle a toujours été présente avec des très grands arbres de partout. Et donc aujourd'hui, quand on coupe un arbre, eh bien, on a ce sentiment d'un seul coup que on en vient à la détruire. Mais en réalité, la manière dont les hommes ont utilisé la forêt a conduit cette surface forestière de 80% du territoire métropolitain à descendre à un seuil de 13% seulement à la moitié du 19e siècle. On avait vidé les forêts, il n'y avait plus de gros bois, il n'y avait plus rien. Et étrangement, toutes les politiques qu'on a menées depuis à peu près 160-170 ans, ont permis une évolution positive de la forêt. Étrangement, les premières machines, je parle bien des premières machines, les premiers tracteurs forestiers notamment, ont permis, et même la tronçonneuse, ont permis de laisser grossir des arbres. Parce qu'avant, la limite au grossissement des arbres, c'était le fait qu'on ne puisse pas forcément les couper et les sortir. Donc en réalité, on avait vidé un peu les forêts, et les grands et gros arbres qu'on pouvait imaginer dans ces territoires forestiers il y a 150 ou 200 ans, il n'y en avait quasiment plus en réalité. Et c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'avec la tronçonneuse et la mécanisation, on n'avait plus de limites pour laisser grossir des arbres, après on pouvait les couper comme on voulait, et bien que du coup on a laissé grossir ces arbres. Et l'éloignement qui s'opère depuis deux générations environ, des zones rurales qui sont riches de forêts, ça a entraîné une forme d'éloignement aussi de la compréhension justement de tous ces fonctionnements. Et là, ça a créé une envolée mythique autour de la manière dont on peut voir la forêt dans nos paysages, clairement. J'ai quand même l'impression que pour bon nombre de Français, la forêt, tu le disais, elle est étrangère ou elle est fonctionnelle. En fait, une forêt, on est là pour y capter des arbres. Tout à l'heure, j'utilisais le mot d'étagère, tu vois, dans lequel on pourrait puiser. On l'enferme beaucoup et même, tu vois, dans le milieu écolo, on la présente souvent comme le poumon vert. On dit aussi que les arbres, c'est des climatiseurs, qu'une forêt, c'est une machine à faire pleuvoir ou une machine à capter le carbone. On l'enferme beaucoup dans ce rôle de fonctionnalité, et j'ai l'impression que toi, tu essayes au contraire de lui redonner un rôle au-delà. Tu essayes de montrer que il n'y a pas que des arbres dans une forêt, qu'il y a de la complexité, il y a de l'interdépendance, qu'il y a de la coopération, qu'il y a de la beauté, que tu donnes presque des identités aux arbres, notamment dans ton livre « Être un chêne ». Comment t'arrives, toi, à faire en sorte de faire sortir la forêt de son rôle purement fonctionnel ? Et est-ce que tu as des réussites que tu as envie de nous partager à ce niveau-là ? Là, c'est une vaste question, il me faudrait deux heures. Mais en gros, pour résumer, moi, la manière dont je vois la forêt, je vais faire une toute petite parenthèse, c'est que je ne la vois pas seule, je la vois dans mon paysage, dans nos paysages, dans lesquelles il n'y a pas que de la forêt, dans laquelle il y a aussi tout un tas d'humains qui vivent d'une certaine manière, qui habitent le monde d'une certaine manière, nous conduisant à avoir notamment besoin de bois. Par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de questionnements autour de la construction pour amplifier l'utilisation du bois dans la construction, dans les bâtiments, parce que, et en même temps, enfin, moi, de mon point de vue, hein, entre du béton ultra polluant et du bois, bah, c'est vrai que le bois, en plus, fixe le carbone, donc c'est pas forcément idiot de miser sur le bois. Moi, la manière dont je vois la forêt, du coup, dans cet écosystème-là, dans ce système-là, c'est pas la forêt toute seule. C'est la forêt vraiment dans notre environnement sociétal global. Et en gros, on a besoin de bois. Donc moi, ce qui m'anime au quotidien, c'est de me dire comment faire pour que la forêt assure absolument toutes ses fonctions, la laisser vivre, la laisser vivante, sans pour autant mettre de côté la manière dont on vit. Est-ce qu'il est possible, du coup, de soutirer cette ressource qu'est le bois sans impacter le bon fonctionnement de la forêt? Bah, tu vois, moi, c'est le défi que je me suis donné et j'ai l'impression qu'on est capable de le faire. Alors, tout à l'heure, dans la présentation, je disais que j'aime beaucoup les chauves-souris. Alors, j'aime beaucoup les chauves-souris pour plein de raisons. Il y en a une qu'on pourra évoquer peut-être un petit peu plus tard, c'est qu'en réalité, ces animaux, chaque individu parmi les différentes espèces de chauves-souris, a probablement plus conscience de qui nous sommes, nous les humains, que ce qu'on croit. À titre individuel, moi, ça m'est arrivé de rencontrer certains de ces animaux dans des situations où je me suis vraiment questionné sur la manière dont ils nous voyaient, nous les humains. Je referme cette parenthèse pour dire que, du coup, globalement, cette forêt, elle est pleine d'êtres vivants qui eux-mêmes utilisent et exploitent la forêt à leur manière, et que nous, les humains, si on s'intègre dans cet écosystème forestier en ayant conscience du fait qu'on est des vivants parmi les autres, et que du coup, notre prélèvement de quelques éléments dont on pourrait avoir besoin pour nous alimenter, pour nous chauffer ou pour habiter, du coup, c'est pas aberrant de le faire si on le fait de manière parcimonieuse et si on le fait avec toute l'attention qu'on doit avoir face à cette utilisation de la forêt. Pour te donner un exemple, en forêt de Rambouillet, il y a 10 ans, il y avait tout un travail qui était en cours autour de la manière de renouveler la gestion de la forêt suite aux très grosses tempêtes qui avaient traversé la forêt en 99, et puis suite à la prise de conscience des usagers de la forêt de la nécessité de ne plus couper de bois. Et je me souviens d'une fois où j'avais été invité par des personnes à réfléchir autour de la manière dont l'ONF gérait sa forêt, avec en perspective de me dire « il faut plus qu'on coupe de bois dans cette forêt ». Et j'avais été accueilli par ce groupe de personnes dans un salon très chaleureux avec un feu de cheminée, avec des meubles en bois partout, des charpentes en bois bien visibles et des livres partout dans la bibliothèque. Et là, je me suis rendu compte en réalité d'à quel point beaucoup de gens n'étaient pas capables de faire le lien entre leur manière de vivre et puis l'origine du bois qui était notamment dans la cheminée. Et on a échangé et discuté à partir de là, à partir de ces éléments, pour essayer de dire alors quelle manière on peut avoir tous collectivement de réfléchir pour aboutir à quelque chose qui ne remette pas en question le bon fonctionnement de la forêt. Et on s'est mis d'accord sur un principe qui a été totalement partagé avec les usagers de cette forêt de Rambouillet qui m'est chère, pour, avec mes collègues de l'ONF, aller vers une toute nouvelle manière de considérer la gestion de la forêt. Et aujourd'hui, la gestion de la forêt, elle repose sur une question dans chaque geste de gestion. On se questionne, qu'en penseraient les chauves-souris? Alors ça peut faire sourire, mais comme ce sont des animaux qui sont en haut de la chaîne alimentaire et on va dire de la chaîne trophique, c'est-à-dire de tous les emboîtements entre les espèces, on sait que quand les populations de chauves-souris vont bien, globalement, le reste du paysage, le reste de l'environnement et de l'écosystème fonctionne bien. Et donc, on a redéfini les règles de gestion pour les 14 500 hectares de la forêt domaniale, c'est-à-dire de la forêt publique gérée par l'ONF, parcelle par parcelle, en faisant le bilan de quelle était la fonctionnalité écologique de chacun de ces peuplements, de chacune de ces parcelles et d'essayer de construire un système de gestion qui nous permette d'assurer la continuité dans le temps et dans l'espace des habitats favorables à ces chauves-souris et donc à l'ensemble de la biodiversité. Et on a commencé à mettre en œuvre. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que très peu de temps après, et tu verras, du coup, j'ai réagi un petit peu comme tout le monde, je traverse un secteur en voiture dans lequel j'avais fait des propositions de gestion très, très compliquées. C'est une zone avec des gros arbres qui sont vraiment dans un secteur de production de bois, d'abord à vocation économique de produire du bois pour la filière, mais en même temps, il y a des gens qui viennent s'y promener, en même temps, il y a de la biodiversité, et je leur avais fait des propositions très complexes. Et là, je passe, et je vois qu'ils sont en train de couper des arbres dans la parcelle. Ma première réaction, ça a été de me dire, mais c'est pas possible, on avait convenu d'un principe, et là, ils sont en train de couper du bois. Je m'arrête. Je regarde ce qu'ils font. Ils étaient en train de faire au mètre près exactement ce que je leur avais dit de faire, ce que je leur avais suggéré de faire. Eh bien, 5 ans après, c'est-à-dire en 2022, on est revenu avec mon équipe pour observer la manière dont les chauves-souris réagissaient quelques années après le début de la mise en œuvre de ces opérations de gestion et voir comment, finalement, les vivants étaient en train de se réapproprier l'écosystème. Eh bien, je t'assure, au mètre près, les chauves-souris faisait ce que j'avais spéculé quelques années auparavant. Et globalement, l'activité de toutes les espèces de chauves-souris présentes à cet endroit, elles étaient maximales par rapport à ce qu'on pouvait attendre. Donc ça voulait dire qu'il était complètement possible, sur un même espace, d'associer l'accueil du public, puisque comme je le disais, il y a plein de gens qui viennent sur ce secteur-là. Donc l'accueil du public, mais aussi le prélèvement de bois, et en même temps, le maintien, voire l'amélioration des populations de chauves-souris et donc, de manière générale, de la biodiversité occupant le même espace. Et je pense qu'en fait, tu vois, cet exemple-là, et le fait qu'en plus ça marche, pour moi, c'était très important parce que ça validait les théories qu'on avait jusque-là me conduisaient à dire, en mettant la biodiversité au centre de la gestion, en la mettant au centre de nos décisions, eh bien, c'est pas pour autant qu'on s'empêche et qu'on s'interdit d'aménager ou, pourquoi pas, de prélever des ressources comme le bois. Non, non, pas du tout. Par contre, on pense les choses d'une manière totalement différente et on met les autres vivants au cœur de notre façon d'habiter le monde et de notre manière d'utiliser les différents espaces. Et c'est un pari sur lequel moi je m'appuie à chaque fois que je suis sollicité pour une expertise dans une forêt, voire de manière très générale. Et j'ai l'impression, en tout cas pour les forêts publiques que je connais, que le pari est en train d'être gagnant, puisque je vois de plus en plus de collègues dans plein de forêts qui se sont appropriés cette méthode et qui sont en train de l'appliquer dans leurs forêts. Remettre le vivant au cœur de toutes nos décisions, c'est quelque chose qu'on fait désormais très largement en 2030 Girls, et on va bientôt y aller ensemble d'ailleurs, Laurent, en 2030 Girls, pour extrapoler les exemples là que tu nous partageais et imaginer à quel point ça pourrait avoir des impacts vertueux sur toutes les facettes de nos vies. Avant ça, il y a toujours une petite bulle d'inspiration, de légèreté, de respiration aussi que nous partagent nos invités à travers une lecture d'un roman, d'un essai qui, selon l'invité, porte des valeurs qu'il a envie de voir largement se développer en 2030 Girls. On t'écoute, toi Laurent, tu es venu avec un cadeau particulier. Exactement. Alors, j'ai choisi le passage d'un livre qui était vraiment en résonance avec finalement ce que je viens de raconter. C'est un livre de Baptiste Morisot qui s'intitule « Raviver les braises du vivant, un front commun » et qui illustre vraiment la nécessité de mettre le vivant au cœur de notre manière de réfléchir. L'idée de défendre des foyers de libre évolution a une certaine commensurabilité avec l'ampleur de la crise du vivant actuel, parce qu'elle parie sur cette propriété du vivant. C'est un feu et pas une cathédrale. Un feu qui se reconstruit tout seul, se déploie, crée mille formes, dès qu'on lui laisse de la place et du temps. Et ce n'est pas une coïncidence, car ceux qui ont imaginé ce dispositif sont des naturalistes de premier plan, qui ont étudié de près la puissance des milieux à se reconstituer dès qu'on relâche la pression. Le retour des pollinisateurs lorsqu'on arrête les pesticides, le retour des espèces de poissons migrateurs très haut dans nos fleuves dès qu'on efface les barrages, le retour des prédateurs dès qu'on arrête de les exterminer et que les forêts sont giboyeuses. Et l'on n'a pas besoin pour cela nécessairement de grands espaces, même si leur effet écologique est très supérieur. Les naturalistes ont montré que même un îlot de sénescence constitué d'un seul arbre vénérable ou de quelques dizaines d'hectares de forêt joue déjà ce rôle de diffuseur de vie, d'interstice de régénération rayonnante si on lui laisse suffisamment de temps. Le paradoxe que ne comprend pas notre espèce mammifère, chez qui vieillir implique déclin, c'est que les forêts ne vieillissent pas comme nous. En vieillissant, elles resplendissent et rayonnent. Les forêts anciennes sont des fontaines de jouvence. Plus on laisse forêt vieillir, plus elle rajeunit, plus elle gagne en puissance de vivification du territoire, plus elle déborde de vie pour tout le territoire, jusqu'à régénérer le monde autour d'elle. Si le monde vivant était avant tout une cathédrale, la guerre serait déjà perdue. Si le vivant est un feu, le problème se pose autrement. Il est à notre mesure, pour peu qu'on se donne les leviers, la conscience et la mobilisation. Le problème devient désormais, avant tout, comment protéger les braises. Défendre les braises du vivant partout autour de nous. C'est notre combat. Nous nous battrons dans les forêts et les montagnes, dans nos jardins et dans nos villes, dans les champs et dans nos rues. Nous ne nous rendrons jamais. L'enjeu est de maintenir et recréer les conditions pour que ces braises reprennent. Habitat, milieu sain et sans intrants chimiques et destructeurs, population connectée génétiquement, habitat non fragmenté, foyer de libre évolution protégé, corridor pour les relier. Si l'action est possible, alors c'est parce que la force originelle du vivant depuis des milliards d'années, c'est l'abondance de propositions vitales, la largesse dans le don, la multiplication des différences. La biosphère est un feu vivant qui recouvre la Terre et il peut toujours repartir si l'on sait défendre les braises, les attiser. Qui nous lit du Baptiste Morisot. J'avoue que c'est Noël avant l'heure, tu vois, moi qui sais jamais quoi demander comme cadeau de Noël, tu viens de m'en faire un beau cadeau de Noël, et je crois qu'en plus là, toutes les personnes qui nous écoutent, elles ont été comme moi touchées par les propos que tu, que tu as mis en avant, qui sont effectivement vraiment très beaux, au-delà de, je trouve, la proposition de voir le vivant comme un feu plutôt qu'une cathédrale qui est forte. Moi, je trouve que l'appel à ce que notre humanité ose vieillir pour être puissante, pour être rayonnante, pour être régénératrice, et comment on peut se dire qu'en fait, en 2030 glorieuse, nos sociétés seraient plus vieilles, plus anciennes, passeraient à l'âge adulte. Parfois, c'est une proposition qu'on nous fait pour prendre un rôle justement de régénérateur. Je trouve que c'est particulièrement puissant comme vision, et j'aimerais qu'on parte de ça, Laurent, si tu le veux bien, pour se dire que ça y est, on est en 2030 glorieuse, on est dans cette société-là, dans une société où on accepte de reprendre avec humilité notre place parmi les vivants. Ça ne veut pas dire que tout est réglé hein, en 2030 glorieuse, on a encore énormément de pain sur la planche, mais à la fois, on sent que l'humanité est enfin alignée sur, et d'une, la hauteur des enjeux, et de deux, la nécessité d'y contribuer de manière fractale, comme dirait Aurélien Barreau, à toutes les échelles, à tous les niveaux, avec tous les moyens à notre disposition, sans en comparer un ou en utiliser un plutôt qu'un autre. On est dans cette 2030 glorieuse, là, on est dans cette version des 2030 glorieuses, Laurent, si tu le veux bien. Donc, on parle au présent depuis les 2030 glorieuses pour éclairer cette, vie qu'on voit devant nos yeux et la partager avec les personnes qui nous écoutent et qui, elles, malheureusement, sont restées à l'époque, peut-être que tu t'en souviens, en 2023. Si on fait cet exercice, Laurent, toi, tu es en 2030 Glorieuse, tu peux peut-être continuer à vivre au milieu de la forêt de Rambouillet comme tu le vivais il y a 10 ans en arrière. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes par la fenêtre? Je passe beaucoup moins de temps dans ma maison. Je suis régulièrement en forêt aujourd'hui parce que c'est tellement jouissif que d'aller dans cet espace forestier dans lequel, ça y est, on a commencé à mettre en œuvre toutes les opérations de gestion qui mettent le vivant au cœur de la gestion. Et puis, de voir quand je croise mes voisins, dans leur regard, le fait qu'ils ont, ça y est, ils ont saisi que le vivant, c'était au contraire le moteur qui faisait que même dans leur jardin, tout allait changer. Je suis ravi de pouvoir tranquillement progresser depuis chez moi. Hein. J'habite pas très loin d'un chêne que j'ai rencontré pendant mon adolescence. Ça fait maintenant 40 ans que je le connais. Je l'ai rencontré dans le courant des années 90. Et j'ai pris l'habitude d'aller le voir assez régulièrement. Maintenant, je vais le voir tous les jours parce que j'en ai complètement la possibilité. Et c'est chouette parce que chez mes voisins, je les vois tous. Avant, ils avaient une belle pelouse bien tendue. Maintenant, elle est plus tendue. Il y en a beaucoup qui se sont mis à faire leur propre potager. D'ailleurs, je suis ravi parce que moi, chez moi, jusqu'en 2020-2025, j'avais pris l'habitude de pas fermer les volets de ma maison pour laisser les chauves-souris s'installer derrière. Et à force de voir les gens avec mes volets non fermés, en tout cas mes voisins me voyaient avec mes volets non fermés et ont vu année après année, parce que j'ai un potager, ont vu toute la production potagère que j'ai en profitant des crottes de chauves-souris. Il y en a plein qui s'y sont mis aussi. Donc, il y a des potagers absolument partout, avec une prise de conscience qui s'est installée progressivement ces 10 dernières années autour du fait que finalement, laisser faire les rythmes naturels, laisser les braises du vivant s'animer complètement et se revivifier, eh bien, au contraire, c'était source, bien sûr, de vie, mais source aussi d'une forte productivité des légumes, des fruits. Enfin, tout est assez génial. Donc, moi, j'aime bien croiser ça au moment où je vais en forêt, croiser le regard des gens qui ont une attention totalement différente. Et puis, j'adore aussi maintenant discuter des arbres avec les gens. Avant, les gens, quand je les croisais, ils me parlaient des arbres comme des éléments de verdure statiques. Et aujourd'hui, ça y est, tout le monde a saisi et compris que chaque arbre avait sa personnalité, que l'architecture du houppier des arbres, donc ces parties hautes des arbres composées des différentes branches, racontait une histoire de l'arbre. Et il y a plein de gens qui me parlent aujourd'hui du caractère d'un arbre qui se trouve à tel endroit dans la forêt. Après, ça attise ma curiosité, hein. J'ai rallongé mes balades parce que dans certains cas, on me parle du caractère de certains arbres et j'ai envie d'aller à leur rencontre quand même de ces individus. Donc, je suis ravi de voir à quel point on a réussi enfin à mettre le vivant au cœur de nos manières de vivre et de nos manières de comprendre le monde qui nous entoure. Ouais, moi j'aimerais bien t'entendre sur à l'époque ce qu'on nous présentait comme tenant de l'impossibilité. On disait 10 ans en arrière, que les 2030 glorieuses, elles étaient trop proches, que l'humanité allait trop vite dans le sens inverse, et que avant de penser à régénérer, il fallait déjà penser à ralentir un petit peu, et que quoi qu'il arrive, on n'irait jamais suffisamment vite pour se mettre à la hauteur des enjeux. Est-ce que tu peux me raconter, tant du côté des équipes de l'ONF que du côté justement de nos forêts, en réalité, des fois, il suffit de quelques années pour, quand on le fait avec ambition, on réussir à avoir une efficacité assez extraordinaire, un impact, une générosité, une puissance qui, là, font qu'en 2030 glorieuse, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de leviers que ce qu'on pensait dans les mains. Ouais, ça a été une époque assez formidable, hein, et qui s'est appuyée sur tout ce qui s'est passé dans les années 2010. D'une nouvelle compréhension de la manière dont les différents vivants pouvaient jouer leur rôle dans le bon fonctionnement de l'écosystème forestier. Et je repense notamment à ce que je disais dans ces années 2010 autour de la nécessité de maintenir dans toutes les parcelles forestières, par exemple de production, des arbres un peu partout qui sont porteurs de biodiversité, qui peuvent être des arbres vétérans comme des arbres passeurs justement pour les générations à venir, de toute cette compréhension du monde vivant et qui peuplait la forêt. Et ça passait par le maintien de plusieurs arbres chaque hectare, qui vivaient en groupe d'ailleurs, des arbres autour d'un arbre mort qui petit à petit pouvait s'effondrer, et puis il y avait des arbres avec des loges. Et ça, on disait qu'il fallait le mettre en place partout. Ça avait commencé à se mettre en place. Dans le courant des années 2020, on a réussi à démultiplier cette opération. Et ça y est, tous les forestiers, dans le courant des années 2020, ont compris l'intérêt de ce type de dispositif, mais aussi pour une raison, c'est que à partir des années 2020, la forêt, c'est quand même une dynamique assez lente. Il a fallu que les arbres qu'on maintienne pour la biodiversité jouent leur rôle progressivement. Et on a commencé à mener des études 10 ans, 20 ans après avoir mis en place ces dispositifs. Et on a pu observer qu'en réalité, ces arbres, ils étaient porteurs d'une richesse avec des espèces comme les chauves-souris susceptibles de réguler les insectes ravageurs des forêts. Mais qu'en plus de ça, en mettant la biodiversité au cœur de la gestion, globalement, la productivité des forêts, elle avait augmenté malgré les difficultés rencontrées à cause des stress hydriques, à cause des sécheresses qui se sont multipliées dans les années 2020. Et là, on arrive aux années 2030 et on s'appuie sur une communauté d'acteurs autour de la forêt qui ont totalement saisi l'intérêt de mettre la biodiversité au cœur du vivant. Et c'est vraiment ce qui les anime. Moi, à chaque fois que je vais aujourd'hui dans une forêt pour une expertise, je suis là que pour éclairer et accompagner les collègues sur une encore meilleure compréhension de tous les, de tous les fantômes qui se cachent dans nos forêts. Notamment le monde de la nuit avec ces chauves-souris sans matériel particulier, on n'est pas capable de savoir quelles sont les espèces et comment elles habitent cet espace-là. À la limite, pour beaucoup des forestiers, peu importe, on sait qu'ils sont là et du coup, ils s'en inquiètent pas trop. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand je vais en forêt, tout a changé. Tout a changé dans la perception puisque je ne suis plus là pour les guider sur la manière de conduire leur gestion forestière. Ils savent comment faire et ils l'appliquent. Par contre, ils ont souvent envie de savoir ce qui est présent, de manière à quelque part pouvoir se projeter dans le regard ou dans la perception que ces autres vivants présents dans la forêt peuvent avoir de leur même forêt. Et ça, je trouve ça assez magique. J'ai vu des collègues forestiers, c'était complètement dingue, des collègues forestiers demander à nos spécialistes des insectes de leur expliquer comment les insectes pouvaient voir la forêt dans laquelle ils avaient mis en œuvre des actions de gestion forestière conservatoire de la forêt. C'était assez magique. Un jour, j'ai même rencontré une équipe de gestionnaires forestiers. Ils étaient avec leur marteau forestier qui consiste à marquer les arbres, mais ils nous ont demandé de les accompagner pendant l'action de marquage des arbres en tentant de s'immerger à la place de l'animal pour imaginer comment l'animal pouvait se projeter dans la forêt. Et puis à chaque fois qu'ils avaient un coup de marteau à donner sur un arbre, de dire « là, t'es sûr que ça va pas leur poser de problème ? Comment il va réimaginer la forêt une fois que cet arbre aura disparu ?» On est dans une compréhension de la fonctionnalité des écosystèmes forestiers et des vivants qui l'habitent qui est totalement différente. Et là, tu nous parles du point de vue de tous ceux qui y travaillent en forêt, qui ont un lien fort avec cette forêt. Je veux pas trop tomber dans le piège de la romantiser, la forêt française. Et à la fois, elles ont quand même changé de statut avec des S, puisque aujourd'hui, les forêts en 2030 glorieuses, elles ont un statut juridique, justement. Donc, elles peuvent être protégées devant la justice. Elles sont beaucoup plus présentes dans nos histoires, dans nos récits, dans nos fictions, dans nos œuvres d'art. C'est des lieux d'agora parfois pour justement prendre des décisions démocratiques fortes. Il y a de plus en plus d'écoles qui ont des journées de classe en forêt. Il y a eu quand même des lieux sacrés qui ont été révélés ou décidés. C'est devenu un endroit où on va beaucoup plus souvent que la simple balade dominicale. Ah oui, puis c'est même devenu des endroits très importants pour les décisions qui peuvent porter sur l'évolution de nos paysages. Et j'aime bien rappeler d'ailleurs. On en vient aujourd'hui à s'inspirer de ce qui a toujours existé, par exemple, dans beaucoup de villages africains. En Afrique, ils ont instauré depuis longtemps l'arbre à palabre, cet arbre sous lequel on se met pour prendre les grandes décisions dans chaque village. Ce qui est assez génial, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu la norme chez nous. C'est-à-dire que même si les mutations sont en cours, eh bien aujourd'hui, pour les très grandes décisions dans les villages qui sont forestiers, eh bien on va régulièrement en forêt pour s'installer et réfléchir tous collectivement de manière apaisée avec ces grands vétérans qui sont au-dessus de nous sur la manière de prendre telle ou telle décision. Et ça, je trouve que c'est très très fort aussi dans la manière de considérer ces évolutions. Faut dire aussi qu'on a finalement pas eu trop le choix non plus, parce que dans les années 2020, c'est quand même récent, hein, prenons l'année 2022, ça fait seulement 8-10 ans en arrière. 2022, ça a été une année très importante de compréhension du fait qu'on n'allait plus tout maîtriser, avec des sécheresses considérables qui ont favorisé l'émergence de grands incendies. La prise de conscience, elle a été énorme sur le fait que ces forêts étaient fragiles et que du coup, nous-mêmes, on était fragiles. Et puis, il y a eu d'autres années comme ça depuis 2022 qui ont été la démonstration d'événements majeurs très, très forts qui nous ont conduits à réfléchir sur notre avenir commun. Notre avenir commun, nous les humains, mais pas seulement dans notre bulle, hein, dans notre bulle humaine, nous les humains, avec nos paysages composés des autres vivants. Donc, c'est tout ça, hein, qui nous a conduit à changer notre manière de faire et notre manière de vivre, parce qu'on voyait bien qu'on était totalement dépendant de ces vivants qui nous entourent. Avec quand même une épée de Damoclès dans nos décisions qu'on prend aujourd'hui, c'est que le carbone qui a été relargué dans l'atmosphère, qui aujourd'hui, ça y est, c'est en train de s'estomper parce que on a décidé d'accélérer les choses, d'atteindre cet objectif de stopper le relargage de carbone dans l'atmosphère. On n'y est pas encore, mais on s'en approche vraiment et tous les pays s'y mettent. Et du coup, on peut s'appuyer là-dessus pour raisonner un peu différemment les choses. Mais malgré tout, le carbone qui est présent dans l'atmosphère, on sait qu'on va l'avoir encore pour un bout de temps et qu'il va falloir qu'on compose avec ça. Donc, on apprend à s'adapter tous collectivement et d'aller prendre nos décisions fortes en étant au cœur de ces autres vivants qui nous sont nécessaires pour justement nous aider à capter ce carbone qui est un vrai poison dans l'atmosphère. Et ben c'est un élément qui est fondamental dans la manière de constituer nos nouvelles sociétés. Satish Kumar, il dit qu'il faut se hâter lentement. Et là, de tout ce que tu nous partages, de ces urgences, de ces destructions des 10 dernières années, ça a été exactement ça, tu vois. On avait l'envie d'agir vite, on avait le sentiment qu'on était face à une urgence. Et à la fois, les milieux naturels, et notamment forestiers, ils nous montrent aussi qu'on agit parfois sans vraiment avoir la certitude qu'on verra l'effet de nos actions. Et comment tu me racontes, toi, comment déjà dans ton quotidien, dans ta vie, dans ton travail, tu arrives à jongler avec la nécessité de prendre chaque jour comme si presque c'était le dernier, et donc pas avoir de regrets et agir avec ambition, avec rapidité, avec efficacité, tout en te foutant la paix aussi et en te rendant compte que y a tout un tas de choses que tu verras sans doute pas et que c'est pas si grave que ça. Est-ce que tu peux nous raconter ça, et est-ce que peut-être même dans les milieux forestiers dans lesquels tu évolues, il y a des exemples, des apprentissages que tu peux nous livrer pour nous aider à conjuguer ce qui semble vraiment incompatible en réalité? Oui, alors il y a quand même une particularité avec la forêt, c'est que pour le coup, la forêt, moi, elle m'a appris le temps long, elle m'a appris le fait que il fallait avoir beaucoup de patience. Parce que, par exemple, pour faire un arbre de 200 ans, il faut 200 ans, quoi qu'on dise et quoi qu'on veuille faire. Et du coup, alors c'est vrai que c'est presque une lapalissade, cette réflexion, mais elle n'empêche qu'elle est au cœur de notre manière de voir la forêt. une manière qui d'ailleurs était différente de celle, enfin de l'image que la plupart de la population pouvait se faire de la forêt. Et c'est l'un des grands, je trouve, l'une des grandes avancées de ces 10 dernières années, dans les années 2020. Globalement, on a tous compris que les choses pouvaient être beaucoup plus lentes que ce qu'on imaginait et qu'il y avait une sorte d'inertie dans la manière dont les choses pouvaient se réguler autour du sujet environnemental. Cette inertie, on la connaît avec le carbone, ça y est, on l'a compris. Et on l'a compris notamment en retournant en forêt avec un regard ajusté sur la manière dont vivent les vivants, en particulier les arbres, qui sont vraiment à l'image de ce temps long qui est nécessaire en forêt. Et ça, je trouve que ça a changé un peu la donne. Ça a permis de mieux comprendre aussi, du coup, ce qu'on pouvait faire, nous, les forestiers, pour proposer une forêt un peu différente au regard de ce qu'elle est en train de vivre. Alors, il y a une prise de conscience qui est évidente, et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est même l'essentiel de notre action de gestion, c'est qu'en réalité, on laisse la forêt se régénérer toute seule, avec une acceptation, c'est qu'elle va changer de visage et que notamment les grandes forêts du centre de la France, pour ne citer qu'elles, avec ses grands chênes de 45 mètres de haut, elle va changer, elle est en train de changer. Ça s'est déjà amorcé depuis les années 2010, ça s'est fortement accéléré dans les années 2020, il y a des dépérissements incroyables. Pourquoi ? Parce que ces années avec des manques d'eau et surtout ces fortes sécheresses et surtout ces fortes températures, fin des années 2010, 2019, il y a eu une période, par exemple, avec 10 jours d'affilée, des températures de plus de 50 degrés au sommet des grands chênes du centre de la France. Ils n'ont pas aimé. Et ça a expliqué le début des grands dépérissements de ces grands chênes, qui s'est poursuivi dans les années 2020. Et clairement, il y aura encore des chênes derrière, mais ils seront beaucoup plus petits. Ils feront 15-20 mètres. Alors, voilà, et ça, ce sont les jeunes chênes qu'on a aujourd'hui, qui sont en train de pousser, qui intègrent dans leur génome des adaptations déjà présentes autour de ce que nos arbres sont en train de vivre, et qui donneront des forêts différentes par rapport à ce qu'on a connu, parce qu'il y aura moins d'eau à leur disposition. Voilà, dans les années 2050, on le sait, il y aura moins d'eau, donc dans les années 2030, on travaille au profit de ces arbres-là, et puis l'ensemble de la filière a commencé à muter en intégrant le fait que ces forêts vont changer. Mais en plus de ça, ce qu'on a fait, c'est que, et ça on l'a amorcé depuis 10-15 ans, fin des années 2010, on a décidé de commencer à faire de ce qu'on appelle de la migration assistée, c'est-à-dire que là, on commence à voir des forêts, notamment dans la haute vallée du Rhône ou ailleurs, avec des plantations de chênes verts, puisque les chênes ne migrent qu'à la vitesse de 1 km par an, naturellement, et bien là, on leur a fait faire 150 à 200 km de manière à plus rapidement aller vers les climats dans lesquels ils vont être plus adaptés dans les décennies qui viennent. Et là, les tests, ils sont en cours. On a aujourd'hui des chênaies vertes de 10 ans seulement, c'est vrai, parce qu'on a commencé à les planter qu'au début des années 2020 dans ces endroits-là, mais qu'on observe à la loupe pour vérifier que effectivement cette migration assistée soit compatible avec l'évolution qui est en cours. Et ce qui est rassurant pour nous tous, c'est que ces différentes opérations, cette nouvelle vision de la forêt, elle nous laisse croire qu'effectivement, les forêts de demain, celles qu'on va léguer à nos petits-enfants, c'est-à-dire dans les années 2100, nos petits-enfants, ils auront toujours de la forêt à leur disposition dans laquelle ils pourront aller se ressourcer. Toi, Laurent, tu fais quoi en 2030 glorieuse ? Moi, en 2030 glorieuse, je suis un observateur. Je suis un observateur parfois, alors peut-être un peu éclairé sur le sujet. Je suis un contemplatif, toujours. Et dans le cadre de mon travail, aujourd'hui, on me sollicite pour aider chacun à s'approprier son territoire forestier avec cette nouvelle conscience du rôle de chaque vivant. Et de voir cette évolution-là, en fait, elle me réjouit parce que je sais que collectivement, on peut gagner le combat en appliquant ces grands principes-là. Et je vois bien que le fait que ce soit une manière de faire qui est totalement imprégné l'ensemble de la communauté forestière, moi, je pense que ça peut marcher. Moi, je me souviens, en 2030 glorieuse, là, tu vois, je me souviens de cette année 2022 qui a été une année terrible et particulièrement sèche, mais pendant laquelle, en même temps, j'ai mené les premières opérations d'observation de la réaction de la biodiversité à des tests de gestion mettant la biodiversité au cœur de la gestion. Et ça marchait. Ça marchait, je me souviens, en forêt de Rambouillet, en 2022, on était allé 5-6 ans après la mise en œuvre d'opérations de gestion avec du prélèvement de bois pour voir si oui ou non les chauves-souris réagissaient positivement. Et elles réagissaient positivement 5-6 ans après. Et là, on y est retourné hein, en 2030. On y est retourné dans le courant du printemps 2030 et les observations de l'époque se poursuivent. La biodiversité continue à y être particulièrement présente. Donc voilà, c'est vraiment... en tout cas, moi, ça me sécurise dans cette idée que la biodiversité, ce sont des vivants et que de raviver ces braises, les braises de ce vivant, c'est vraiment garantir la vraie continuité de la forêt et notamment pour les générations qui viennent. Et ça, quelque part, ça me rassure. Voilà. Moi, je retiens de ce voyage qu'on fait et qu'on est en train de terminer ensemble, Laurent, que en fait, face à cette tâche qui peut paraître assez insurmontable de régénérer le vivant, de le remettre au cœur, ben, on n'est pas tout seul et que le vivant, à partir du moment où on le considère comme un allié, eh ben, les choses se mettent aussi beaucoup plus rapidement en place avec des impacts largement démultipliés. Les personnes qui nous ont écoutés, Laurent, là, je suis sûr qu'elles se sont dit, mais allez, quand est-ce que... Où est-ce qu'on signe? Quand est-ce qu'on s'y met? Et en fait, on s'y met déjà de plein de manières et tu as commencé à partager toutes ces expérimentations que vous meniez déjà à l'époque en 2022. Si jamais tu devais leur livrer une action clé, un mouvement concret pour continuer à aller encore plus rapidement vers ces 2030 glorieuses, qu'est-ce que ça serait? Je pense que... alors, je ne sais pas si c'est une action précise. Moi, ce que je dirais, c'est que dans tout ce que vous faites, posez-vous juste une question. Qu'en penserait tel ou tel vivant? Pourquoi? Parce qu'en fait, ça change complètement le point de vue que de se mettre à la place d'un autre vivant, non humain, qui lui voit les choses d'une manière différente. Moi, c'est ce que je me suis mis à pratiquer depuis des années et ça a changé fondamentalement ma manière de voir le monde, ma manière de l'habiter aussi, ma manière de vivre, ma manière de faire. Et ça a donné du sens à tout ce que je faisais. Donc en fait, c'est ça le conseil que je vous donnerais, c'est de vous questionner sur, à chaque fois que vous faites quelque chose, qu'en penseraient les vivants qui sont autour de vous. Merci Laurent. Merci Julien. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !